kubariki. Dieu vous bénisse. Et si mungu tayari wa mkazia pasta wetu na kufraiwa katika jina Yesu Christ. Et vous prêts d'accueillir de recevoir notre pasteur au nom du Seigneur Jésus Christ. Je salue toute l'église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu vous bénisse richement. Na bariki mchungaji wa kanisa. Il bénisse également les bergers de cette église. Na bote wanatumika nao pamoja. Et tous ses collaborateurs. Kwa ile mapendo baripenda ni kunyugisa sauti ya Mungu hapa. Pour cet amour, ils m'ont permis de venir prêcher la parole de Dieu. Na mimi ni mlaka kusema kama tutubiri paka sauti ya Mungu. Je vous promets que nous allons prêcher seulement la parole de Dieu. Puisque ni sauti ya Mungu ndio inatukusanisha hapa. Parce que c'est seulement la parole de Dieu qui nous a fait réunir ici. Na inafanya tupate kufahamiana. C'est celle qui a fait que nous puissions nous connaître. Banduku ba Kolwezi Musompo. Les frères de Kolwezi à Musompo. Bafungurume. Les frères de Fungurume. Bakakanda. De Kakanda. Bakatanga. De Katanga. Bakwashinangwa. Et de Shinangwa. Ba Likasi. C'est de Likasi. Na Bakulumbashi. Ainsi que c'est de Lumbashi. Barisema ni milamukie mujala bwana mukozi wetu Yesu. Imondi de kusaliwe au nom du Seigneur Jésus Christ. Bila kawia mshimame tuheshimu sauti ya Mungu. Sans tarder, mettez-vous debout pour honorer la parole de Dieu. Tutasoma mu Rome. Nous allons lire mu Roma. Chapitre 9. Sura yake ya 9. Verset 6. Mstari wa 8 kufika na 8. Tunasoma mu jina la Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus Christ. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Aina ya kusema ya kwamba neno la Mungu ilibakia bila kuwa na matokeo. Car kwani tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Mungu abariki sauti yake. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et si je tuko nayo kwanza leo paka na mujumbe iko intitulé l'expérience de la Pentecôte. Le sujet que nous avons est intitulé Onjo ya Pentecôte. Pentecôte qui signifie 50. Pentecôte ça signifie makumi tano. Nikusema kisha kufuka kwa Yesu Kristo alikuwa na banafunzi yake 40 jours. C'est-à-dire après la résurrection de Jésus-Christ, il a fait avec ses disciples 40 jours. Après, Arco enlevé. Après tout, il était enlevé. Kumbingo Arco a 10 jours. Au ciel, il a fait 10 jours. Kisha Arbatumia Saint-Esprit. Et après cela, il leur avait envoyé. Et là, comme on avait 40 plus 10, ça fait 50. Nous faisons 40 plus 10, ça fait 50. C'est comme on appelle Pentecôte. C'est pourquoi on appelle Pentecôte. Ah, on ici qu'on bat Jésus-Christ à l'heure où tout ma Saint-Esprit banafunzi yake. C'est-à-dire, c'est le jour que Jésus-Christ a envoyé le Saint-Esprit à ses disciples. Selon la promesse qu'il leur avait faite. Jean chapitre 16. Johanne 16. Verset 7 à 15. Mustari ya saba kufika na 15. Cependant, je dis la vérité. Japo namiambia ukweli. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas. Le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice, le jugement et le jugement. En ce qui concerne les péchés, parce qu'ils ne croient pas en moi, la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus, le jugement, Parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Car le consolateur sera venu. L'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Mutu kama ana na Roho Mtakatifu, lorsque quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, atashinda kuchunga neno ya Mungu. Il va manquer comment garder la parole de Dieu. Atashinda kuishi sauti ya Mungu. Ne saura pas mettre en pratique la parole de Dieu. Roho Mtakatifu, le Saint-Esprit, iko ya lazima kwa kila mwaminifu. Il est très important pour chaque croyant. C'est pourquoi Jésus-Christ en avait onisha hapa. C'est pourquoi Jésus-Christ leur avait dit. Attends, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Anaiyo pourquoi il se met à vide. Vous savez pourquoi il leur avait dit ceci. Parce que mwili bila kuwa na roho ya Mungu utashinda kuisi sauti ya Mungu wala kuichunga. Dans ce corps sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas garder la parole de Dieu, ni moi la mettre. Kama tunasoma tena Acte chapitre 1. Matendo. Matendo ya mitume sura ya kwanza. Kama unapenda mwezi kwanza verset 1 à 8. Vous pouvez commencer par le premier verset jusqu'à 8. Nitaanza kutambuka juu ya gagner temps. Je vais lire en sortant pour gagner le temps. Verset 3. Mstari ya 3. Après qu'il souffert, kisha yeye kuteseka, il est apparu vivant. Akabaonekania mzima. Et en leur donnant plusieurs preuves. Na kuwapatia mahakikisho ya mingi. Se montrant à eux pendant 40 jours. Et parlant des choses concernant les royaumes de Dieu. Comme il se trouve avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé. Les baptêmes d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ici, les ravis. Dans peu de jours, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Mais Mouchien de India Jérusalem. Mais néanmoins, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Amen. Amen. Mungu, il faut que mubamba kumisemo. Il faut saisir Dieu à ses mots. Kama vile alisema Jérusalem. S'il a dit Jérusalem. Jérusalem. Mouchien de India Jérusalem. N'allez pas en dehors de Jérusalem. Mais si il est Léo. Mais nous, je vous pas Saint-Esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit. Expérimenter Pentecôte. Pour expérimenter à tout temps de Jérusalem. Nous n'irons plus à Jérusalem. Amen. Amen. Quoi pour expérimenter la Pentecôte? Chez nous, pour expérimenter la Pentecôte. Il faut rester dans la parole de Dieu. Il faut vivre la parole de Dieu. Et il faut obéir à la parole de Dieu. Est-ce clair? Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il est très important. Chaque croyant, surtout dans cet âge. Amen. Amen. Puisque ni promesse y est tout. Parce que cela, c'est notre promesse. Frère Branham a nasema que kuko frère Chakaria a définir na ye Pentecôte munamuna yake. Frère Branham dit qu'il y a le frère Chakaria qui a aussi défini le Pentecôte de sa manière. Iko mu lejibile tajiza. Mu maubiri jubile. L'autre mu ya 1956. Jubile de 1956. Page 4. Paragraphe 9. Paragraphe 9. L'autre matin, Frère Chakaria avait fait une déclaration qui était restée dans mon esprit. Il disait que la Pentecôte n'est pas une dénomination. Ce n'est même pas une organisation. Mais c'est une expérience que les hommes et les femmes sont avec Dieu. C'est-à-dire, il a mon ordre, ouais, on n'a pas expérimenté Pentecôte. Chacun de nous doit expérimenter la Pentecôte. Pentecôte a une dénomination. Pentecôte, ce n'est pas Zébou. Elle a ta organisation. Ce n'est même pas matériel. Mais ni expérience. Mais ni onjo. En bas, qu'il a gardé, qu'il a andouku, on n'a pas fait la Mungu. Que chaque frère et chaque sœur doit faire avec son Dieu. Hein. Que tu sois méthodiste, baptiste et autres. Tous peuvent venir faire cette expérience. Quand ils attendent la parole et qu'ils décident de s'y conformer, le Saint-Esprit est sur la terre depuis presque 2021. Quiconque veut, ce n'est pas obligatoire, quiconque veut peut venir y avoir part. Et tous ceux qui sont captifs peuvent devenir libres quand ils attendent la parole. Puisque la foi vient de ce qu'on entend. Mais maintenant, si vous refusez, alors ce sera clos. Amen. Kama tunarudia kwa écriture yetu ya introduction. Si nous retournons à notre écriture de l'introduction. Yamu Romain. C'est Romain. Sauti ya Mungu inasema kama aina sema neno ya Mungu ibakie bila kuwa kutenda bila kuwa na nguvu hapana. La Bible dit que là, ce n'est pas que la parole de Dieu est restée sans effet. Bila produire ma fruit. Sans produire ses effets. Neno ya Mungu iko na ma effet. La parole de Dieu a ses effets. Neno ya Mungu efficace. La parole de Dieu a nguvu. Amen. Amina. Depuis que tu réamines. Depuis que tu as cru. Est-ce que tu as fait une expérience? As-tu déjà fait cette expérience? Puisque bientôt là tu t'endes. Bientôt là nous allons partir. Amen. Amina. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Tabernacle. On ne l'a pas envoyé à ceux qui sont au tabernacle. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. On l'a envoyé à ceux qui sont. Il faut faire très attention. Pour c'est bien. C'est très bien. Venir dans l'église. Mais est-ce qu'on peut baptiser du Saint-Esprit? Es-tu baptisé du Saint-Esprit? Saint-Esprit, c'est notre billet. C'est notre visa. C'est notre passeport. Passeport y est tout. Et nous irons dans un pays étranger. Posez la question à tous ceux-là qui voyagent. Tu ne peux pas aller dans un pays étranger sans avoir les visas et les passeports. Et le pays dans lequel nous sommes, c'est un pays étranger. Billet est tout, passeport est tout, visa est tout, le Saint-Esprit. Notre billet, notre passeport, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous dis que le message des frères Branham ne nous sauve pas, mais nous prépare. Oui. C'est pourquoi il faut qu'il n'y ait pas une fois. C'est pourquoi il faut venir ici. Une fois, je suis un peu plus de temps, je suis un peu. Ici, oui frère, il faut qu'on ait un discernement pour vous placer bien à quoi avoir de bons discernements pour découvrir que c'est ici où nous prenons. Cette maison dépasse même. Oui frère, malgré que tu as embelli ta maison, il n'y aura jamais de Saint-Esprit dans ta maison. Dans ta maison. Unengiaka bangivi, beko natoka kwa bangivi. Des voleurs y entrent, ils sortent toujours voleurs. Mais pas une fois. Mais ici. Gidi atengia. Un voleur paye. Anatoka kulibere. Il sortira d'ici mwenye kufunguliwa. C'est pourquoi faut que pas une fois. C'est pourquoi il faut beaucoup respecter cet endroit. Amen. Amina. Il faut que j'imène na balibe natumika pas une fois. Il faut respecter même ceux qui travaillent ici. Beko na responsabilité munene. Ils ont une grande responsabilité. Ni ba ministre ba Mungu. Ce sont des ministres de Dieu. Amen. Amina. Il est responsabilité yabo. Les responsabilités. Inapite yaba ministre wa mdunia. Dépasse la responsabilité des ministres du monde. Amen. Amina. Batumishi ya Mungu. Dio pale ambayo Mungu aliachia na fungulo ya mbingu. Ce sont ceux-là à qui Dieu a laissé même la clé. Ndio vile. C'est cela. Moneshe bandugu yenu. Dites à vos frères. Bale baya kombolewa. Bale unasikia kwenda ku mbingu. Mko ina hapo hapa. Ni hapa bate pafungulia mbingu. C'est ici on va leur ouvrir le ciel. Mafungule ko mbili. Il y a deux clés. Kuko fungulo ya lufu. Il y a la clé de. Ya bafu. Mais il est Jésus-Christ est moi. L'autre, c'est seulement Jésus-Christ. Mais tandis que le fumoulo est en mais la clé du ciel se retrouve entre les mains de ses. C'est pourquoi on n'a pas ce que chimie. C'est pourquoi vous devez beaucoup les respecter. Parce que beko nemiombea, beko nemiubiri, il vous prêche. Kama mnakuwa hiki mko leo. Si vous êtes devenu ce que Dieu m'a dit, ambaye beko nimfunguria. C'est le ciel qui vous ouvre. Je vous donne un exemple. Angere ba ministre ba mduni. Regardez les ministres. Barishinda kubadilisha mutu. Ils ont échoué de chasser. Oui frère. C'est pourquoi bari muyengea ma prison na makasho. De prison et de cachot. N'est-ce pas? Batabamba muntu iko nakata mankamba. On va arrêter quelqu'un qui coupe. Bana mfunga. On va l'arrêter. Mais bafunga esprit. Mais on va pas arrêter son esprit. Dès que bana mutoshe. Dès qu'on les libère. David a bafunga esprit. Anaendelea na kuiba. Il va continuer encore à voler. Mais tandis que matumishi ya Mungu. Mais néanmoins le serviteur de Dieu. Ce sont des gens que Dieu a mandaté. Mungu alibapatia plan du salut. Dieu leur a donné les plans. Frère, sœur, dès que Jésus est venu nous sauver, achukuishe kaja wokovu. Il n'a pas achevé l'œuvre du salut. Il a ouïti. Là vous n'a pas. C'est pourquoi Nassema, Moïse 4, étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs et autres. Ni avant-bas, il a la responsabilité. Ce sont ceux-là à qui il a laissé la responsabilité. C'est pourquoi il faut que vous chimiez à San. C'est pourquoi il faut beaucoup les respecter. Que Dieu vous bénisse richement. Si vous voulez expérimenter la Pentecôte, croyez la parole de Dieu dans votre cœur. Puisque neno la Mungu est efficace, que la parole de Dieu est kuyanguvu. Hébreux chapitre 4, verset 11. Wa Ebrania sura 4 mstari ya 11. Nisho nesaiko wapi? Iko kule. D'accord. Hébreux 11, pardon, Hébreux 4. Verset 11. Efforçons-nous d'entrer donc dans ce repos. Afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante, pas seulement vivante, mais aussi efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et esprit, jointure et moelle, elle juge même les sentiments et les pensées du cœur. Mettez la parole de Dieu dans votre cœur. Neno ya Mungu efficace. La parole de Dieu elle est efficace. Je vais vous donner un exemple. Kama masauti ya kiana moya mujanja wa mudunia. Si les paroles d'un jeune garçon inatongoza kiana mwanamke. Séduisait une jeune fille. Amen. Amen. Ma parole à Koumambia, par exemple. Les paroles. Sans toi, je ne peux pas vivre. Que, bila wewe, siwezi kuishi. Oh, ton absence m'a fait souffrir. Oh, vile unatoka hapo mimi na teso. Ni masauti ya séduction. Ni misemo ya utongozi. Oui. Dio. Mwanaume pa kutafuta mwanamke ashimchangu lake. Un homme pour courtiser une femme ne peut pas l'intéresser. Ana musafaka. Il va d'abord la vanter. Il est mis semi dans mon moyo wake. Ces paroles vont rester dans son cœur. Il a convaincre mon moyo wake. Ça va convaincre son cœur. Qu'en est-il de la parole de Dieu? Il t'a quoi nom na gani sa? Frère, na neno la Mungu nduku. Kama yuko badilisha mtu apende kubadilika. Ça ne te change pas, c'est parce que tu ne peux pas changer. Dio. Ma sauti ya mtu mpagano. Les paroles d'un païen. Il a badilisha nyenchika mwanamke itike. Ça peut convaincre que la femme puisse accepter. Qu'en est-il de la parole de Dieu? Il t'a quoi nom na gani ya neno la Mungu? Ah, par exemple. Comme fano. Mwanamke mweusi. Une femme de teint noir. Anapenda atakati. Elle veut devenir. Muro yaki. Éclaircir sa. Mambo niro. Ce qui est important c'est le cœur. Mumaisha yote kisoso ya Mungu ya mwili niro. Dans toute vie que. Kama roho inapenda kitu tekipata. si ton cœur aspire quelque chose, mouke, si cette femme-là, anasi mamina kwa mweu si sana. Je deviens trop sombre. Mina penda ni sakati. Je voudrais un peu être clair. Anaanza kuitiliza masavu antiseptique. Commence à utiliser des savons antiseptiques. Nadi akwari anasakati. Réellement, elle va éclaircir la peau. Qu'en est-il de la parole de Dieu? Comme un ingé moumoyo wako. Tu es rentré dans ta parole. Et tu t'abattis à vivre rukuya. Tu vas rester tel que tu as toujours été. Halimishiyue. Je ne sais pas. Neno ya Mungu iko efficace. La parole de Dieu iko ya nguvu. Iko na puissance de transformation. Unaweza kubadilisha. Amen. Amen. Na dia kweli kama unaishika. Réellement, dès que vous la quittez. Itakubadilisha. Elle va te changer. Na Roho Mtakatifu utamupata. Réellement, tu recevras même le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu yuko kwa kweli. Le Saint-Esprit existe. Mais kuko ma processus. Mais il y a des processus. Ile unapaswa kufuata. Il y a ce que tu dois faire. Pour que Roho mpokee. Pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le jubilé d'Aziza. Jubilé ya Aziza, il m'a oublié. Pas 1956. Toujours de 1956. Mou page 9, paragraphe 19. Carta si yatisa nukta kumi natisa. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle dénomination pentecôtiste. Si c'est à tuitaji, dini à ça, c'est à qui pente. Non, monsieur. Afana. À Dieu ne me plaise. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle dénomination, mais nous avons besoin de faire revivre ce que nous avons déjà organisé en dénomination. C'est exactement ce qu'il nous faut. Un bon réveil à l'ancien mode. Dieu sait que cela est vrai. Amen. Alors, vous verrez maintenant la puissance de Dieu descendre une fois de plus. Il y aura même un bruit pendant que le Saint-Esprit sera en train de se mouvoir. Précédant des messages pleins d'esprit ainsi que des hommes remplis de l'esprit, alors que ceux-ci iront prêcher l'évangile au monde. Nous sommes effectivement reconnaissants pour ce qu'il a fait. Nous sommes reconnaissants pour toutes ces choses. Mes frères et sœurs, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que nous avons besoin d'une nouvelle consacration. Peut-être que vous dites quoi? Peut-être la première consacration. Turishinda kuexperimenter Pentecôte. Nous avons manqué d'expérimenter la Pentecôte. Nous ne sommes pas encore en retard. Nous sommes encore dans le temps de la grâce. Ta première consacration. Hakukufanya kupate ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ne t'a pas poussé d'être baptisé de Saint-Esprit. C'est pourquoi le prophète anasema. Tuijitoweni mahali ingine. Nous devons nous reconsacrer de nouveau. Amen. Amina. Tuendele. Continuons. Nous avons besoin d'une autre effusion. Quel merveilleux temps. Ce serait cet après-midi. Quand ces milliers de gens qui sont rassemblés ici. Et si seulement nous pouvons consacrer à nouveau nos vies. Et décider dans nos cœurs que nous rentrerons à la maison, laver nos visages, les nettoyer, non seulement nos visages, mais aussi nos âmes, non dans l'eau de Los Angeles, mais dans le sang du Seigneur Jésus-Christ, et par la puissance de Dieu, recommencer une nouvelle vie. C'est cela dont nous avons besoin. Être lavé dans le sang de Jésus-Christ. Oui, monsieur. Nous devons nous reconsacrer de nous. Mon Christ ni muta ne riwaka. Un chrétien c'est quelqu'un qui sait. Ana mita kuambia kusema uko baptisé du Saint-Esprit au hapana. Moi qui te dira que tu es baptisé du Saint-Esprit, non. Ni wewe peko te riwa. Toi-même qui découvriras ce que tu es. Kama unaona si wapi kumpokea? Sisi découvrir que tu l'as pas encore. Fanya yote na uwezekanayo. Fais tout ce qui est possible. Au yachelewa bado. Tu n'es pas encore en retard. Uijitoe sasa maana nyingine. Consacre-toi de nouveau. Juu kama unachelewa, si tu, itakuwa ni haya. Tu venais en retard, si tu auras honte. Aba bote wa mkambo. Tous les habitants de Cambo. Pano yase ni mwanjo mungu na vérité. Ils savent que c'est vous qui avez. Atamba demo ine miyu. Même les démons vous connaissent. Peut-être moi mwenye wiriyu. Peut-être toi-même tu te connais pas. Mais quoi n'aime à Mungu? Quoi pour le mal à Mungu? Oui, après c'est une grâce. Venir ici, n'aime pas. Oui, frère. Dis en tout coup. Oui, après. Venir ici. Kunachana hata mtu anaenda hata kama ni mu États-Unis. C'est différent même de quelqu'un qui part aux États-Unis. Oui. Dio. Mais qu'on fout nous pas ici. Il y a la révélation ici. Ni apa. C'est ici. Utengia kama mugini. Mula ambayo yu haitangukaka. Là où le soleil ne va jamais. Ni apa. C'est ici. Pata kupreparer. Utafika mu mugini hautajekaka. Puisque nous au bantu. Ba mingi. Ba profane. Ba profane. Mouna ya profane ni nina. Avez-vous mujinga? C'est quelqu'un qui ne connaît pas la valeur de la chose. Par exemple, on a le côté diamant à 1 million de dollars. Il ramasse les diamants de 1 million de dollars. On est juste à ta boutique bouteille à Simba. C'est un profane. Mais ici, tu vois, tu vois, va djinga. Si tu as eu la valeur, il y a une haine. Nous, nous connaissons la valeur. Oui. Dieu, pour moi, une haine. Pour moi, cette parole. Il n'habite à ta vie. Elle dépasse même mon épouse. Oui, frère. Dieu, du coup. Pourquoi je dis aujourd'hui tu m'appelles chérie. Parce que nous sommes vivants. Parce que nous sommes dès que je meurs. Comme on appelle le bonheur. Si tu veux. Chérie, chérie. Je te repousse, tu vas. Je peux mettre ça. Combien c'est pourquoi je te dis que la parole dépasse mon. Il n'a pas dit ça maman. Ça dépasse même ma mère. Hein. Dio. Je parle de ma mère qui nous a laka. Lorsque ma mère m'a dit moi, je vivais comme tout le monde. Parle-moi de mon bonheur naïn. Lorsque je me suis dit que cette parole, elle m'a fait ce que je suis devenu aujourd'hui. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous sommes des gens qui nous aident. Que Dieu nous vienne en aide. Pour expérimenter la Pentecôte, il faut accepter la prédication de la croix. Parfois, c'est comme un obiri, il n'y a pas la vie, il n'y a pas le salut. Là, on ne prêche pas la croix, pas la musima, pas la okovu. Mwitikie kaja msalaba mu mamyoyo yenu. Acceptez l'œuvre de la croix dans vos cœurs. Mwitikie kubeba msalaba ya Yesu Kristo mu mioyo yenu. Acceptez de porter la croix de Jésus Christ dans vos cœurs. Na tete mioni kama yana msalaba nini? Nous allons vous montrer l'essence de la croix c'est quoi. Jésus Christ mwenye anasema mu Matthieu chapitre 10. Jésus Christ lui-même l'a dit. Est-ce que nous sommes ensemble? On a fata. Matthieu 10, 37 à 38. Matthieu 10, 37 na 7. Wakati nenda kila mtu Mungu amsaidie. L'état est très avancé que Dieu puisse aider chacun de nous. Verset 37. Makumitatu na 7. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Unaona mpenda baba yako ile mama yake kunishindia mimi asistahili. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Unaona mpenda mtoto yake mwanamke wala mwanaume kunishindia mimi asistahili. Celui qui ne prend pas sa croix. Wule wa kosa kubeba msalaba. Et ne me suit pas. Na ukosa kunifuata. N'est pas digne de moi. Asistahili. Celui qui conserve sa vie. La perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Oh mes frères et sœurs, nous avons peut-être vu qu'il y a mingi. Nous avons perdu beaucoup de choses. Oui, dans ce monde. Ici à Cambo. Il y a des gens qui souffrent. C'est oui frère, tu n'as pas. C'est vrai, nous souffrons. Refuser la vie du monde, c'est une souffrance. Là où vos amis entrent, mais toi tu refuses la civilisation. Pas les benzaco qui vont la lutter. Dieu a vieillesse. Là où les amis veulent lutter, mais toi on a peine aux équipes. Mais toi tu acceptes de vieillir. Amen. Amina. Amen. Amina. Parce qu'il y a attaque comme on a dit dans le tabernacle. Mankanje sa ya mutabernacle. Aina mambo. Vous entendrez les sœurs aller faire confessionner. Il ne faut pas me faire confessionner. Ah, na mwe venye mungu nirisekeshe. Aina mambo. Vous faites vieillir, c'est pas grave. Mui mwili. Dans ce corps. Olingo ningate. Upende wala upende. Tu vas vieillir. Si tu n'as pas nous avons perdu. Mais bon, on a gagné. Mais ils ont gagné. N'abo va t'apotéger. Mais aussi perdront. Oui, puisqu'il n'y a pas de risque de gagner deux fois. Puisqu'il ne peut pas gagner deux fois. Oh, sur taille. Oh, il y a pour connaître les. Maman, il y a pour sur taille. Une vieille mère sur taille. Ni vous djinga. C'est une stupidité. Amen. Musalaba ni mateso. La croix c'est la souffrance. Ni lana. Jomana musalaba. Ni lana. C'est ça l'essence de ni lufu. C'est la malédiction. Ni uzuni. C'est la tristesse. Ni sikitiko. C'est l'inquiétude. Ni machozi. C'est les larmes. Bibaya biote tukune vipata musalaba. Tous les mots nous les recevons à la croix. Paga musalaba moyo moyo kwetu. La même croix là pour nous. Ni ushindi. Ni uwezo. Ni salama. Ni furaha. C'est la joie. Frère Branham a assez, ma. Donc Branham dit, si tu es calé dans mon 2, 3 minutes, je ne peux pas rester avec toi. Il a couru à Kokola ou à Pal. Sans découvrir si il est déjà sauvé ou pas. Hein? Dio. Quoi, mini une expérience? Amen. Amen. Amen. Dieu conge Pentecôte. Pour expérimenter la Pentecôte, il faut toujours venir par le franchir à Jésus, comme ça là-bas. Il faut qu'on découvre ce qu'on a fait à Jésus-Christ à la croix. Jésus-Christ, Mungu mumbaji wa mbingu na dunia, Dieu créateur, bari mutoshe manguo yote. Oui frère. Huyu Yesu wa kale soni wa katolike. Huyu Yesu situ no ubiri. Bari mutoshe ka manguo yote. Na yua. Ilikatala kumwangazia. Inashikia haya. Asemi siwezi kuangaza mutupu ya mumbaji. La nuit je ne peux pas éclairer la nudité de mon créateur. Bajinga banaua mumbaji. Les insensés ont tué leur créateur. Bulongo na maibe vilitetemeka. Ne sont ainsi que la terre. Kinasema gatu ya onaka mambo ya namuna hii. On a jamais vu ça. Ase mtu anabaki paka mtu mujinga. L'homme reste toujours un. Mtu anabaki ya nyama. L'homme reste animal. Juu nyama ana akili. Parce que l'animal n'a pas d'intelligence. Amen. Amen. La terre a tremblé. Pour avoir dévêtu Dieu. Maintenant, frères et sœurs. Si toi et moi nous croyons à la croix. Nous allons regarder pourquoi on a dévêtu. Pour que je ne puisse plus jamais ôter mes habits. Pour que toi aussi, ma sœur, tu puisses jamais ôter mes habits. Je crois que c'est la à la croix. Tu ne peux pas dire que tu es un homme. Sera plus jamais. Elle a pris cette chance. Est-ce qu'on s'en sort ensemble? Pour la fata. Comme ça là-bas. Dans la croix. Bari mumbavu. Comme ça là-bas. À la croix. Bari mutuanga mukuzi mumbavu mkilari. C'est la sang, la lance. Kwetu kuna maana leo. Chez nous ça l'essence. Kama unamwamini. Si tu crois en lui. Unabeba msalaba wako. Ni kusema mukilari yako. Mukilari yako sir. Amutengiaka mwanaume mwingine. Sio kuamini kule. Oh, qui notre femme, c'est ça croire. Chibyo kutunona kaja msalimile iko. C'est ça l'essence de la croix. Ni kujizuiza. C'est s'abstenir. Kuyo aseme bari mutuanga. Mungi nishanzi kuingisha n'importe qui mukilari yangu. Danser la lance. Meona bana mke baleu. Embrasser n'importe qui. Ye moye zibuwa raza maisha yake. Vous verrez les femmes d'aujourd'hui. Aisha kutembeka na banu mate 666. Elle a déjà couché avec beaucoup d'hommes plus de 666. Kisha kumeseko mkanisa. Après tout elle se dit que... Kanisa yokowe. L'église ne sauve pas. Oui. Dio. Ata tabernacle ya yokowe. Même le tabernacle ici. Kile kiko na ukoni sauti ya Mungu. Ce qui sauve c'est seulement la parole. Kama mune yamine vile vile iko. Lorsque vous croyez... Ujua kama okovu ni yako. A ce moment là. Okovu mkono yako. Le salier entre tes mains. Mubilari yetu. Amutengiaka bana ume wala bana muke bengine. On ne peut plus jamais embrasser quel que soit les femmes ou quel que soit les hommes. Adikuishie pale. Ça ne s'est pas arrêté. Bari beba nguo. On a prié en fait. Bana mfunge Jésus Christ macho. On a couvert sur sa face. Na kumupika. Et on a flashé. Na kusema uitonisho la nakupika. Define nous ce que tu dis quoi na maana. Pour nous c'est ça ça. Kama tunaamini katika msalaba. Maana macho yetu haitaki kuangalia n'importe quoi. Non frère. Quoi que ce soit. Sasa hapa tukunahubiri. Angalia wewe macho yako inaangalia kati. Nanjo ini nakushindisha ushindo kufanya experience ya Pentecoste. Ça empêche de experimenter la Pentecôte. Saint Esprit kwe ingie ndani yako. Kula ambayo pale ba mini jeep. Tuna mini taka tu ba londonienne. Ce que j'appelle les londoniennes. Parle mko twa mu Londres. Les femmes de. Tuna vala paka ma polo kwa kina hakuna kitu. Ces polos. Je kuna lengemea saa yote. Tu es là en train de les contempler. Mon ma téléphone. Dans nos téléphones. On a regardé balumu que bashuka na maungu. Regardez les femmes qui n'ont pas. Dans ma télévision. Même à la télé. On a tamani balumu que bamu Amérique. Tu convoites les femmes. Oh, Mukambo. Où t'es pas parti à Shugan? Quand est-ce que tu les auras? Ah, on y en est. Dis-moi un peu. Où on a tiafu gaboule? Tu te suis. C'est pourquoi chie. C'est pourquoi. Quand il y a quatre salaba. Macho yetu. Ayangera kitu kyokyote. Nos yeux ne regardent pas. C'est comme un mot prophète. Prophète on a dit ma. Dans mon temps possédé na mademo. Et on a fait quand regarder vibaya. Asema nanza na kusambisha richu. Lorsqu'il a regardé les mal, il va même. On est nini. Ses yeux pour regarder. Pour que tu regardes quoi? Frère. Donc Mungu akusaidie. Que Dieu t'aide. Mungu atajie kila mmoja wewe. Que Dieu aide chacun de nous. Abikushie prophète anasema mu une conférence avec Dieu. Malheureusement je ne pouvais pas le brochure. Mon page 9. Page 9. Paragraphe 21 si je ne me trompe pas. Anasema Mungu alitupatia ma 5 sens. Dieu nous a donné milango tano. Aende juu itongoze. Ce n'est pas pour que ça nous conduise. Mais alitupatia ma 5 sens. Il nous a donné ces 5 sens. Dieu a pu te mettre en contact na hii dunia. Pour nous mettre seulement en contact. Mais angalia ma 5 sens yako comment inakuongozaka. Mais regarde comment tes 5 sens là te conduisent. Mina kumbuka mwanzo ya imani yangu. Je me souviens à l'âge de ma foi. Kuamini ni mkonvi. Croire c'est vraiment. Ujete kuamini utende kumimi pake. Non. Il faut kukombana. Tu crois tu iras au ciel comme ça. Ni banka ni ba kukombana ndio vas gagner. C'est seulement les vainqueurs qui vont gagner. Wakati ninaanza kutembea munjia. Lorsque j'ai marché sur la route. Kama mimi naona vitu vibaya. Lorsque j'ai fait les mal. Je savais que non, je savais. Shuangaria. Me disais regarde. Angaria. Regarde. Je me nasema shitangaria. Je disais je peux pas regarder. Shuangaria. Regarde. Basi shitangaria. Tellement qu'on a nous, je me nasema. Tellement. Na toshi sauti. Shitangaria. Là je sortais la voix, je ne regarderai pas. Kuamini ni kukombana. Croire c'est livrer bataille. Amen. Amina. Est-ce que tu peux moi? Sommes-nous ensemble? Macho yako angalia kule na kupelekaka. Regarde là où te conduis tes yeux. Abikuishie pale. Ça ne s'est pas arrêté par là. Bari beba kuronde pine. Taji ya miba. Bari mpika kukichwa. On l'a enfoncé sur la tête. Miba. Les épines. Manake ni malédiction. C'est-à-dire ni lana. Parce que Mungu ashikumbe miba. Parce que Dieu n'a pas. Ni après muntu kukotola. C'est après. Alors Mungu alilani dunia bulongo. Chapele mruzala miba. Mais pale ari beba taji ya miba. Nikusema ni tubebe lana. Zadire ça nous a apporté la malédiction. Kukichwa. Sur la tête. Kirimuluma. Ça avait fait mal. Pour que mawazo yetu haiwezi kuwaza kanya. Pour que qu'on ne puisse plus penser à quoi que ce soit. Eh, chikata wewe frère. Comment vous m'avez mis pour nawaza bitu yoyote. Comment toi en tant que chrétien tu mets tu penses sur n'importe quoi. Ben il pose question. Je vais vous poser. Kama bubaya Mungu nakuosha kwa ndio acha kufundisha hapa. Kama bubaya Mungu nakuwa kukuingia utayua au sayu. Lorsque les mains viennent. Utayua. Parce que tu peux pas découvrir. Ano wabazimu. Aona mulevi, utayua sema hapa, kuu kitu fashi na ningia. Tu découvriras que ici, il y a un mal qui vient d'avoir. Mina considéré qu'en Zambi comme un corps étranger. J'ai toujours considéré les péchés comme kitu qui gagne. Qui gagne. Par exemple, quand Mouiba. Par exemple, c'est un corps étranger. C'est un corps étranger. Kama kana kuingia, utayua. Tu le sauras. Na katazo kukufanya mubaya. Ça te fait du mal. Na mwaminifu. Incroyable. Kama mubaya buna muingia, atayua. Tu le sauras. Kama uichiko tekia ta kwako. Si tu ne dis pas amen. Utayua sema hapa. Mimi sina vile mine kalaka. Ici je ne suis pas tel. Na kwa ile itakuchukuma ku repentance. Ça va te pousser kutubu. Pourquoi la repentance? Parce que Dieu, première étape, il y a plan du salut. Dieu qui pende à Kwanza et à Mapia. Moi, mini fois na tumwaka. Un chrétien se répand. Hein? Oui. Tungari mwili kuna kotola. Nous sommes encore dans ces corps, nous branchons. Kama ina kotola. Nikakore transika na kufikia. Kitu kigani kianze. Utayua. Tule sora. Na kwa ile itakusukuma Mungu tu. Zabati pousser à te repentir. Kichwa ni kusema ushaanze kuwaza. Le mot de tête c'est pour ne plus. Siku moja kule kanisa. Siku moja kule kanisa yangu. Un jour dans mon église. Dada moja ananifuata. Une sœur m'a suivi. Asema pasteur. Marie pasteur. Niko na ba mari de nuit. J'ai des maris de nuit. Asema unasema nini? Qu'est-ce que tu me dis? Ta mari de nuit. Des maris de nuit. Asema oui pasteur. Oui pasteur, j'ai des maris de nuit. Mina mpoze kesi. Musha uzana ba toto ngapi? Je lui ai posé la question. Tu as déjà dit. Oh, pasteur kula tuzalaka se dadi ni ya bongo. C'est mari de nuit. Merci monsieur. J'ai dit c'est faux. Una wazaga ba naume. Tu ne fais que penser. Oui. Les hommes. Mandote kwa malatati. Il y a trois sortes de rêves. Kuko ndoto ya kwa Mungu. Il y a les rêves qui viennent de Dieu. Kuko ndoto ya shetani. Il y a les songes qui viennent de Dieu. Na kuko ndoto ya kwa mwenyewe. Il y a les songes qui viennent de Dieu. Kama ulipenda kitu sana, unekiwaza sana, mshiko utekirota. Beaucoup méditer sur la chose. Oui frère. La nuit tu souviens. Évitez de kuwaza kanya. Évitez d'avoir. Évitez kuweka mario yenu n'importe quoi. Évitez de garder quoi que ce soit dans vos cœurs. Mungu mbariki. Est-ce que tu peux moya? Abikuishie pale. Sans se pas arrêter par là. Bari beba vin. Bari chugua mvinyo. Yenye kuchanga na fiel. Mélangeo fiel. Bari upatia akunywa alikatala. On lui a donné pour qu'il puisse boire. Kwa tiko na mana. Mana ke nini? Mubinya yetu. Amuta toka matushi. Mubinya yetu. Amuta toka talana. Mubinya yetu. Amuta toka mashimango. Mubinya yetu. Atasema ta politique. Dans nos bouches, on ne va même pas parler. Mais tu n'as pas politique, on gagne sa foule. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de politiques. Et avec ça, ils s'attendent à Bingu ya kambo yako. Le ciel de votre grand-père. Dengi ne nona frère pas pata kaji mashiku. Il faut ingie un parti politique. Wendo ke ingie ya tout ingie ya. Il faut entrer dans les partis politiques. Frère, je mambo ya leo. Ya ba frère benu. C'est ça le problème de nos frères. Dengi un parti politique fulani pour ba mupe kaji. Il entre dans un parti politique pour qu'il ait de l'emploi. Kaji c'est quoi? L'emploi c'est quoi? Hauye valeri ya nini amu? Para pori ya kaji yako unatafuta. Para pori l'emploi que tu cherches. Frère Branham. Frère Branham. Siku moja nenda kufermia mtu fulani. Un jour il est allé dans une ferme. Anajua kule le fermier anamwambia. Il est allé voir ce kama 10 hectares ya pommier. Il lui a montré 10 hectares de pommier. 5 hectares kama ya pasteke. 5 hectares de pommier. Anamshonte shonte ya. Il lui a montré. Mena na ya mpoza sema unafanya bien. Anamuuliza sasa kumbingu. Unaweka kunini? Mena au ciel qu'est-ce que tu as là-bas? Si mambo ni mbingu. Pour nous, ce qui est important, si ma voix est aina politique, ce qui est important pour nous, si ma voix est kazi, ce qui est important, ce n'est pas de l'emploi. On a peut-être le droit de naître yako. Tu perds alali ya kuzaliwa wa kwanza. Kulika siku yetu kule, kuko frère moi alipendaka kwe député, pasteur alimkosea shishiki. Il y a un frère qui voudrait devenir député, ana pas kitu angu. Il n'a pas entendu, il s'est entêté. Anaenda anatoka na voix moi. Il est allé postuler mais il n'a eu qu'une seule voix. Amen. Amen. Mubinya Yesu. Dans nos bouches. Atuwezi kuchambula taba authority. On ne peut même pas insulter. Ni Mungu ndiye aliwaweka. Bakwe bazuri. Bakwe baba ile ituangalie. Bile byote bikune tuzuiza kupata baptême du Saint-Esprit. Tout cela ça nous empêche. Et puis on dit bien le Saint-Esprit. Unaita mzuri. Frère. Saint-Esprit ingie ndani ya matushi. Non, non. Non, non. Les insultes, non. Hawi amuyuwa. Eko saint. Tu ne les connais pas, ni mutakatifu. Wiri chunge kukinya yako. De toi pure, ta bouche. Est-ce que tu peux moya? Adi kuishie pale. Ça ne s'est pas arrêté là. Bari beba mikono wana bloqué. On a bloqué ses mains. Kuna imeonyesha maana ya msalaba na mateso ya msalaba. Furuke kama unaamini na wewe usipite mule mwenye bali mtesea. Usikaribeba lufu yetu. Alibeba mateso yetu. Alibeba laana yetu. Notre souffrance, notre malédiction. Munaye kile Yesu Kristo alifanya. Savez-vous ce que Jésus-Christ a fait? Iko sasa certain bayo. C'est comme un certain bayo. Araze kunaishi mubaya. Jivive mbali. Eko naenda kuuana juu ya kuiba. Ili tuwe le jambo. Me alikuwa na mkubwake Kasongo enorme de bien. Il avait son grand frère Kasongo. Kule baye kule alienda kuiba. Bana mbamba anauwa nako. Na mbayo etalezi. Damu inamumwangikia. Anaanza kukimbia. Anakimbia kwa mkubwake mkubwake Kasongo. Ikure furale se kashika. Mkubwa mkubwa mimi naoana kuangalia mwili yote kulovana damu. Il était tout ensemble. Ndio mkubwake anamwambia. Mimi nakwambia kanini acha imaisha upende. Hapa sasa nataka kukufua. Oh ni mbayo. Wenda kwa mbaya nako. Eh kwa mkubwa yake. Mkubwa anasema tu changer mangu. Alléluia. Changeons les habits. Kasongo na bala mango ya mbayo ivo ya damu. Kasongo a porter les habits de mbayo ki. Mina kasongo na mono cha mbayo. Kasongo ali ya mbayo. Mina kufa kwa fashi yako. Je vais mourir à ta place. Me batia wishi maisha nilikuwa nayo. Je vais mener la vie que moi j'avais. Bana kuya bana ngase ana mbayo ni kasongo bana huwa kasongo. Frère. Kama ule mbayo uko wakili atarudia maisha ya zamani. Mais oui, ami. Tu n'as été hier, tu n'avais pas foi chez Yesu. Tu n'as pas beaucoup foi. Tu n'as pas banyama. Tu n'as pas imwa. Tu n'as pas ngulube. Comme les banas que vous soudiez. Dieu a une haine. Amen. Une haine ni mai saf. Cette parole, c'est une eau pure. Mai ya buchafu, aitakatake mutu. Une eau souillée ne fait pas laver quelqu'un. C'est pourquoi j'ai confiance en cette parole. J'ai confiance. J'ai tellement confiance en cette parole. Et nous avons tellement confiance. Comme nous avons un machou dans ma case, nous avons un machou dans mon quartier, nous avons un inéno. Moi, je suis un inéno. Cette parole, il faut l'honorer. N'amenez pas nos problèmes sur la parole. Amen. Amen. Barbeva ni connaît Jésus Christ. On a pris les mains de Jésus Christ. Bari bloqué. On les a bloqués à la croix. Salaba. À la croix. Kama unamwamini, mikono yako iko bloqué. Que tes mains soient aussi bloquées. Aita piga bantu. Ça ne va plus. Aita piga ta bibi. Ça ne va même pas frapper ta femme. Aita beba kitu ya mutu. Ça ne peut pas voler les choses. Leo tuko na bengine bangivi. Aujourd'hui nous en avons. Banatengenesha bwizi. Ulia kusema mimi na yeba sema tuko na frappe, tuko na fama frappe. Le de dire que j'ai volé dise nous avons frappé. Dieu akuyenga kuna frappe. Pour construire vous faites des frappes. Je vous ai montré qu'on a frappé. Mungu na yata kufrappe. Leo si va vous frapper. Wewe mwenye kusikia ineno. Kama uache Mungu atakufrappe. Tu ne cesse pas de voler, Dieu va te frapper. Biblia nasema, contentez-vous de ce que vous avez. La Bible dit, vous ferez qui en a qui. Mukita galaka watama non. Le chrétien n'est pas celui qui a la convoitise. Amen. Mukristo na furaha yake yenye kidogo kunayo. Anashukuru nayo Mungu. C'est ce peu qu'il a et il glorifie Dieu. Leo unayenga nyumba mimi nasema ni nyumba malaki. Voiture malaki. Une maison tu as payé. Hakuipata mwa normal. Tu n'as pas eu dans des pas normal. Njoko nilivumana imotoka yangu hii. Spendage bantu kuchezea. Sema ni motoka yetu na familia yako. Dis que c'est ta voiture à toi. Sema ni nyumba yangu na familia yangu. C'est ta maison avec ta famille. Chatu sema yake kama unaamini acha papagama hapa. Mpaka bandugu yako. Et lorsque vous croyez vous abandonnez vos frères, non? Ile nyumba yako kama unavuna yule atikaraka. Si tu meurs, ta maison là, c'est tu qui vas l'occuper. Amen. Amen. Mikono ya Mukriste, les frère, awezi kugusa hata des choses impures. C'est pas toucher vitu vya mchafu. Una baba maji ba batoto ba benyewe. Il touche les saints. Una baba maji kwa foa yako. Il touche les jipons qui sont pas. Et on a sema que usha kubeba na msalaba. Tu dis que tu as aussi porté la. Mikono iko bloqué. Tes mains doivent être. Aïssa gusa kitu kichafu. N'avait pas touché des choses impures. Deuxième Corinthien. Wa Korinto wa pili. Est-ce que tu pas moi kanisa? Sommes-nous ensemble. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17 à 18. Wa Korinto wa pili. Oh frère, kuingia kumbingu kupeko kazi. Kuingia kumbingu. Acha haina michezo. C'est pas un jeu. Chapitre 6. Sura ya 6. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Dieu commande toquer ni katika. Et séparez-vous du Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impie. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Dis le Seigneur l'Éternel. Et dis le Seigneur Tout-Puissant. Verset 7, chapitre 7, verset 1. Et il y a donc de telles promesses. Bien aimés frères et sœurs. Purifions-nous de tout sourire, de la chair. Et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Un chrétien c'est celui qui a la crainte. Un chrétien n'a pas peur son pasteur. Un chrétien ne craint pas son mari. Si mon mari n'est pas Dieu est là. Amen. Amen. Abiguishe pal. Ça ne s'est pas. Par le bébé, il faut le bloquer. On a bloqué aussi les jambes. Njia kusema kama unamwamini, unabeba msalaba, mikono yako itatembea fasi yote. Sir. Dada. Mikono yako amtenge mwanaume yoyote. Dante Piela ignora pas un autre mari qui peut entrer. Et éviter na mna kupata kwa moto mwe badada. Éviter de monter les motos les sœurs. Si tu ne me dis pas de moto, apana. Je ne vous dis pas de monter, de ne pas monter les motos. Ah ouais, tu coupes pas de moto, on a mouché à moteur, ouais, oh, tu n'as mouché à ouais, oh, tu ne peux pas monter sur la moto et embrasser les motos. Non. Il mouille pas de combolewa. Ton corps là n'est pas encore sauvé. Le corps n'est pas encore sauvé. Moi, minifou. Incroyant. Zamani panda ngi tunaanza kupanda ibada tunaanza kupanda hivi. Yaani le sœur monte les. Ta kukonseye wazi kupanda hivi. Je vous conseille. Umpatie motara haka. Ah, démonter. Attends ma secousse. Umeisha hata hiki leo ni cha bwana wangu. Hiki ni cha bwana wangu. Bebe paka hapo hiki ni cha bwana wangu. Cha bwana wangu. Ah, kilari yako ndio kitanda ya ndoa. Ta patrine. Unaona mwingine, atuka si tukuru kwa mingi tunatoke. Kuko mambo. Bana mfungia kama ni makala kama ni niku mkongo. Kafanya na bagia kaloko. Ndio yeo. C'est quoi ça? Mukrisi ni mtu kona akili. Hatuna banyama. Kuko bantu. Oui. Dio. Atuse mushpande moto mpande na mayele. Nous ne vous disons pas de ne pas monter les motos, mais il faut y monter avec sagesse. Maintenant. Pour expérimenter la Pentecôte, frères et sœurs. La Pentecôte ndugu na dada. Vous ne pouvez pas expérimenter la Pentecôte sans que vous êtes encore esclave. Mutumwa, wezi kupata ubatizo wa Roho Mtakatifu na kutumikia sauti ya Mungu. Jean chapitre 8. Yohanes sura 8. Est-ce que nous sommes ensemble? Tunafuata. Jean 8, 30 à 36. Yohanes 8, 30 na 36. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit maintenant aux Juifs qui avaient crié en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez maintenant la vérité. Et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dites-vous vous deviendrez libre? En vérité, je vous l'ai dit, répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Mais le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. En tout cas, ça c'est vrai. Aujourd'hui, nous sommes devenus libres. Ouais. Ce n'est pas par notre force. Ni juu tulisikia mwana mwenye kuwa neno ndani ya mioyo yetu. C'est parce que nous avons accepté le fils dans nos cœurs. Amen. Amen. OK. Première Pierre et deuxième Pierre. Petro wa pili. Chapitre 2 verset 19. Sura ya pili 19. Ah ile mubebe. Usoit Matthieu chapitre 6. Verset 24, Matthieu 6, 22. Tu connais mes sommets, qui la montre qu'on est riche nous vous les lisons chacun. Et demain nous verrons que la parole de Dieu c'est une loi. À chaque fois qu'on est yobiri, chaque fois qu'on apprend, tu connais riangaria. Nous allons nous mirer. Rikalashi abonu, abangarisha kama wenzake. Le miroir on ne faut pas les. Il faut qu'on ait réangarché ouais moyen. N'a qu'on n'a pas de venir vous chaf, on a sampicia. Découvrir là où il y a des. Vous sampicia quoi tu n'y coutubu. Nettoyer c'est se repentir. Matthieu 6. Matthieu 6. Verset 24. 6 24. Makumi mbili na ine. Nul ne peut servir des maîtres. Akuna wa kwesi kumtumikia babwana. Car il haïra l'un et aimera l'autre. Wana tatukia mmoja na kupenda mwingine. Oui, ça s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Wana tambatana na mmoja. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Hawezi kutumikia Mungu na Mammon. Mammon c'est quoi? C'est le monde. Mammon ni dunia. Amen. Amen. Hawezi muroho yako. Muko Mungu, Mungu na dunia. Tu ne peux pas dans ton cœur. Hadi wewe hutawezi kutembea pamoja. Ça ne peut pas marcher ensemble. Kama ni dunia, ni dunia. Si c'est le monde, reste avec kama ni Mungu, ni Mungu. Si c'est Dieu, reste avec Dieu. Mungu asipendake ba hypocrite. Dieu n'aime pas watu wanafiki. Mungu anapenda kila mtu akuwe libre. Dieu aime que chacun soit libre. Ya kutia kula. De choisir. Kama ni Mungu, ni Mungu. Si c'est Dieu, avec kama Dieu. Ni dunia, ni dunia. Si c'est le monde, tu restes avec le monde. Maintenant, si vous voulez expérimenter la Pentecôte, laissez Dieu entrer dans votre cœur. Pourquoi? Puisque Dieu traite avec le cœur. El Shaddai. El Shaddai. Maubiri. Page 7. Kartasi ya saba. Paragraphe. Nukta. 17 et 18 et 19. Il y a 1959. De 1959. Est-ce que tu peux pas m'organiser ça? Sommes-nous ensemble? Et dit Abraham, Zuri Ibrahim, était un homme juste, juste un homme ordinaire. C'était un homme que Dieu a regardé. Et dont il a vu le cœur. Eh bien, c'est ainsi que Dieu regarde l'homme. Dieu regarde au cœur de l'homme. Mais tandis que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, Dieu considère le cœur. Ainsi, peu importe combien vous êtes pauvre, combien vous paraissez non qualifié, combien vous êtes sans instruction, combien vous êtes instruit, cela n'a rien à voir. Mais Dieu regarde au cœur. Et c'est avec le cœur que Dieu traite. La parole de Dieu, on ne la croit pas dans la tête. Satan a choisi la tête. Satan a choisi la tête. Mais tandis que Mungu alichakula moyo. Mais Dieu a choisi le cœur. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas expérimenter la Pentecôte. Tant que votre cœur est tortueux et méchant. Jérémie 17:9. Le cœur de l'homme. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel. Je prouve le cœur. Et je sonde les reins. Pour rendre à chacun selon ses voies. Et selon le fruit de ses œuvres. Amen. Comme nous sommes à Mouluk. Si vous lisez Mouluk. Luc chapitre 16, Luca, kumina, verset 14. Mustaria, kumina, ine. Tout sommes il. Disons cela. Luc 16. Luca, kumina, sita. Verset 14. Mustaria, kumina, ine. Les pharisiens qui étaient avant écoutaient aussi tout cela. Et ils se moquaient de lui. Et Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes, c'est une abomination devant Dieu. Dieu connaît nos cœurs, même ce soir. Voilà quoi c'est à Koufamiaka. Bibia kwa shaku yuwaka. Ta femme n'était jamais connue. Wewe mwanzo niliua na Mungu jana kuyua. C'est toi-même qui te connais ainsi que Dieu. C'est pourquoi. Kama moyo wako ingalia mankumba kumba. Si ton cœur est encore tortueux. Ingalia roho mbaya. Et méchant. Amini sauti ya Mungu ndani ya moyo wako. Croyez à la parole de Dieu dans ton cœur. Mimi nasema yake. J'ai toujours dit ceci. Kama mu nyumba Mungu wampanya. Si dans la maison il y a des souris. Vous campouche. Élève les chats. Donc. Vous campouche. Élevez les chats. Solution en pagne, ni bouche. La solution des souris, c'est les chats. Solution en zambe, ni bouillon, yes. La solution des péchés, c'est connaître Jésus. Un point très. Pour un chat. Frère. Donc. Moutou à Chilande. Que quelqu'un ne mente pas. Oh, mi papa ou kanisayenu. Moi, pour venir dans votre église. Dans votre église, il faut que j'abandonne la cigarette. Il faut que j'abandonne la cigarette. Tu ne sauras pas abandonner la cigarette. utauza masashi ya masuti ya mpepo, unalambula wena na kilo na tuki na kubamba. Tu peux payer tout un sachet là de bonbons pour dire que j'arrête la cigarette. Solution en Zambi yote. La solution de tous les péchés. Ni kumusalaba. C'est à la croix. Fuaja bobili musalaba pana ukovu. Là où on ne prêche pas la croix, il n'y a pas de salut. Hein? Dio. Fuka mpushi. Élève les chats. Il t'a fouché ma campagne. Ça va chasser les souris. Amini neno. Voyez la parole. Il t'a fouché ma démon. Ça chassera les démons. Neno ou la nguvu, quoi efficace. La parole est puissante, c'est efficace. Frère, gama dawa ya kinine. Si le médicament de la kinine. Il natuza malaria. Nena mouna il t'a foutuza. La parole de Dieu, ni dawa. C'est le médicament aussi. Ok. Moui mi bariki. En tout cas, n'a pas d'agua chimia sa sante. J'aime honorer le... Naita kiongozi. J'invite le conducteur. Akwe tongozi mu maombi. Je pense que Misaili va nipatie nenea. Mais mungu tusaidie kesho tena. Tukui tuendeleshe. Mungu embariki sana. Nous allons continuer demain.